Dans Venise la rouge, par un bateau qui bouge, pas un pêcheur dans l'eau, pas un falot. Seul assis à la grève, le grand lion soulève sur l'horizon serein son pied d'airain. Autour de lui par groupe, navires et chaloupes, pareils à des hérons, couchés en rond, dorment sur l'eau qui fume et croise dans la brume, en léger tourbillon, leur pavillon. La lune qui s'efface couvre son front qui passe d'un nuage étoilé, demi-voilé. Ainsi la dame abaisse de sainte croix rabaisse sa cape au large pli sur son surplis, et les palais antiques et les graves portiques et les blancs escaliers des chevaliers et les ponts et les rues et les mornes statues et le golfe mouvant qui tremble au vent. Tout se fait fort les gardes aux longues hallebardes qui veillent aux créneaux des arsenaux. À maintenant plus d'une attend au clair de lune quelques jeunes muguets, l'oreille au guet. Pour le bal qu'on prépare, plus d'une qui se part, mais devant son miroir, le masque noir, sur sa couche embaumée, la vanina pâmée, presse encore son amant en s'endormant. Et Narcisse à la folle, au fond de sa gondole, s'oublie en un festin jusqu'au matin. Et qui dans l'Italie n'a son grain de folie, qui ne garde aux amours ses plus beaux jours, et sont la vieille horloge au palais du vieux doge, lui compter ses nuits, les longs ennuis. Comptons plutôt, ma belle, sur la bouche rebelle, tant de baisers donnés ou pardonnés. Comptons plutôt tes charmes, comptons les douces larmes qu'à nos yeux a coûté la volupté.